Chapitre 4. Cassandre. Les neurones, en état d'hérétisme, redoublent la puissance de l'idée fixe, et celle-ci, par un choc en retour, décuple le dynamisme des neurones affolés. Ils allongent leurs filaments dans les directions les plus imprévues, déterminant des irruptions d'images si précises, en dépit de leur orientation fantaisiste, qu'elles semblent refléter une réalité objective. Or, en vertu de singuliers hasards, il peut arriver que ces images correspondent en effet à un événement réel. Ainsi pourrait-on expliquer, par ces coïncidences fortuites, les phénomènes de télépathie, les hallucinations dites prémonitoires, certains pressentiments. J'écrivis ces lignes au lendemain du malheur de Duncan. Les écrirai-je encore aujourd'hui, à 8 mois de distance, je ne sais plus. J'éprouve une anxiété bizarre comme une sorte d'attente. Une attente de quoi? Je n'essaie plus d'expliquer. Je me tais. J'attends. Et chaque fois que je retourne à la classification de mes notes et de mes observations sur les phénomènes nerveux, la figure de Duncan s'interpose et je ne puis plus songer qu'à lui. Non pas seulement comme on songe à l'ami souffrant d'une peine irrémédiable à qui l'on tâche d'alléger le fardeau des jours, mais comme à une énigme dont l'angoisse parfois me contracte la gorge et trouble les battements de mon cœur. Duncan passa les premières semaines qui suivirent la catastrophe dans un silence pétrifié, son visage immobile était durci par sa douleur, une douleur dont il ne permettait à personne d'approcher, à peine supportait-il d'entendre le nom d'André. La moindre allusion à sa mort le gelait davantage, je ne l'ai jamais encore vu sourire qu'une fois, et ce fut le jour où ma mère lui ramena la petite orpheline. Sous les caresses de l'enfant, ses traits se sont détendus, il a souri, et les larmes sont venues, il a quitté la chambre. Il a fait venir d'Écosse pour élever l'enfant, une parente âgée qui circule comme une ombre funèbre dans les pièces capitonnées où seuls les rires et les pleurs de la petite fille brisent le silence. Puis il partit pour Londres, où il fut le secrétaire d'un ministre qui était son cousin. Au bout de 4 mois, le ministre tomba, Duncan est revenu. Du premier coup d'œil, je vis qu'il allait mieux. Ensuite, il m'apparut différent. Ce n'était pas ses cheveux grisonnants aux tempes qui le changeaient à ce point. Il y avait sur son visage et dans toute son allure je ne sais quelle expression de détachement. Il semblait ne plus tenir à lui-même. Sa tristesse s'accompagnait d'une douceur que je ne lui avais jamais connue. Et notre vie a recommencé. Duncan m'entraîne à de longues promenades, il prend mon bras et nous arpentons les rues pendant des heures entières comme s'il cherchait à user son mal à force de fatigue. Quelquefois, nous allons plus loin, nous cherchons des coins déserts aux portes de Paris, ou bien l'auto nous emmène à Saint-Cloud, à Fontainebleau, et puis attend au bord de la route, tandis que nous déambulons à travers la forêt. Nous mangeons dans quelque auberge, nous rentrons sous les étoiles et Duncan s'endort au fond de la voiture. Cependant, après chacune de ces journées, je sens grandir en moi l'anxiété. Certaines paroles qu'il laisse tomber comme malgré lui le situent brusquement si loin de leur présente. Je les recueille, je les retourne sans les comprendre, et souvent elles devancent l'événement qui se produira demain. C'est quelques aubergistes, quelques servantes qui nous apportent à boire, quelques paysans rencontrés dans les bois. Il pose sur eux l'interrogation muette de son regard. Il parle comme malgré lui. « Pourquoi n'allez-vous pas chez le médecin, mon ami? Vous savez bien que vous êtes malade. » « Il ne faut pas s'abandonner à la haine, mon enfant. Vous méditez une action vilaine que vous regretterez. Il faut rentrer chez vous tout de suite. Laissez là cette charrue, camarade. Votre femme vous attend. Il est arrivé un accident à votre fillette. » Alors je vois se fixer sur lui des yeux éberlués où monte une épouvante. Il s'éloigne si vite que j'ai peine à le suivre. Il s'enferme dans le silence comme s'il regrettait d'avoir parlé, et je sais bien qu'il est inutile de le questionner. À plus d'une reprise, le hasard nous renseigna les jours suivants. L'homme avait un cancer, la fille tuait son amant, l'enfant était mort. Et le malaise qui est en moi devient intolérable. Je descends dans les ténèbres, un escalier sans fin. Toutes les lumières familières m'abandonnent, vacillent, s'éteignent. les appuis les plus solides, le lent apport de mes études, la sécurité de ma méthode, tout me manque à la fois. Les affirmations sereines de la science me paraissent remises en question. L'édifice, si patiemment construit, s'ébranle. Pourquoi ? Comment ? Je ne sais. Il me semble que je m'aventure sur un sol nouveau où l'ordre naturel des choses est renversé. Chaque fois que je contemple Duncan, tout enveloppé de secrets, je me sens au bord d'un abîme. De plus en plus, les incidents de nos promenades se faisaient les complices de Clarence. Un jour que nous suivions un sentier dans les bois, nous avons passé devant un cheminot effondré au revers du fossé. Ses vêtements, minables, avaient la même expression découragée que son visage. À sa manière hostile de considérer le sol, on devinait sa volonté d'échapper à la mansuétude de la lumière prodiguée sur les verdures fleuries. En l'examinant, je m'aperçus qu'il était jeune. Si son teint était à ce point blafard, c'est qu'il sortait de l'hôpital ou de la prison. « Oui, » me dit Duncan, tout à coup. Avais-je donc pensé à voix haute ? Il s'était arrêté en face du voyageur poussiéreux. « Le village n'est pas loin, n'est-ce pas ? » demanda mon ami. « Votre village, combien de kilomètres ?» L'autre eut un geste machinal et ne parut point nous apercevoir. Alors Duncan lui dit doucement, « Il est amer le pain qu'on mange à l'étranger, et plus encore celui qu'on vous mesure dans les prisons. » Le garçon tressaillit, regarda Duncan et fit un geste comme pour s'enfuir. « N'ayez pas peur, » dit Duncan, « les mauvais jours sont finis. Le temps du bonheur est venu. » La face creuse grimaçait. Un rire vint à nous comme une insulte. « Le bonheur ? Connais pas ça. L'injustice, oui. Ah, les injustices !» Une révolte contracta les traits amers. La voix sombre acheva. « Et si ça continue, je sais ce que j'ai à faire. » « Cela ne continuera pas, » répliqua Duncan. « Vous avez raison. L'injustice des hommes, c'est la croix, où chacun de nous est cloué à son tour. Mais la vie se charge de réparer. Ne regardez plus en arrière. Regardez en avant de toute la force de votre jeunesse. » Quelque chose dans l'accent de ces paroles toucha le misérable. Il leva la tête. Et sur son visage, qui cessait d'être cadenassé, on put surprendre une expression de désir. « Si seulement mes vieux me laissent travailler pour eux, ils vous pardonneront, » fit Duncan très bas. Je croyais qu'il allait proposer d'intervenir auprès de quelques rudes paysans, blessés dans son orgueil par la condamnation de son fils. Mais Duncan se borna à saluer amicalement le désespéré, avec un sourire en lui répétant « Ne craignez rien ». Nous avons continué la promenade. Au sortir du bois, le village apparut, enfoui sous les vergers en fleurs. À l'instant de rejoindre la route, nous avons croisé une belle fille, aux joues fraîches, qui tenait une enfant par la main. Elle s'engageait dans un sentier opposé à celui que nous quittions lorsque Duncan l'appela. Déjà la fillette s'échappait et cherchait des muguets sous les taillis. « Mademoiselle, prenez donc ce chemin d'où nous venons. Votre petite sœur trouvera du muguet de quoi remplir votre panier. Le sous-bois est blanc, comme s'il avait neigé. » Elle remercia gentiment et suivit le conseil de Clarence. Nous avons bu du thé à l'auberge, puis flâné dans les champs. Duncan semblait très calme et souriait parfois. Il y avait dans son regard je ne sais quelle allégresse, et je pensais, il est mieux, il va guérir. L'après-midi finissait lorsque nous avons repris le même sentier à travers la forêt. Sous l'arceau des branches illuminées, un couple venait lentement. Il émergeait de l'ombre, il passait dans le soleil, et l'averse des rayons obliques l'enveloppait, le suivait. L'homme portait sur l'épaule une fillette, aux mains pleines de muguets, et il tenait le panier de sa compagne. Ils marchaient tout près l'un de l'autre, ils échangeaient de rares paroles, et leurs yeux se rencontraient sans cesse. Le printemps complice les regardait passer. Les feuillages étendus semblaient leur verser du bonheur à chaque pas, et pour mieux le goûter, ils ralentissaient encore leur allure alanguie. Ils approchaient néanmoins. Tout à coup, je reconnus le sourire de cette jeune fille, et je reconnus en ce garçon si droit sous son fardeau, si rayonnant de fierté mystérieuse, le vagabond de tout à l'heure. Le divin secret avait effacé de son visage les traces de sa misère et lui conférait une beauté virile. Un tendre sourire de femme posé sur lui avait suffi à le transfigurer. Ils venaient tellement absorbés dans leur silence heureux qu'ils ne nous virent même pas. Nous les avons croisés et nous nous sommes retournés pour les regarder disparaître derrière le réseau des branches. Brusquement, la forêt sembla se vider, s'assombrir. Je me souvins que le crépuscule était proche. Duncan riait silencieusement. Je ne pus m'empêcher de dire « C'est fort bien, mais il a un casier judiciaire. Êtes-vous sûr de n'être pas la cause involontaire du malheur de cette fille compatissante ?»« La justice humaine, » répéta Duncan en haussant les épaules, « ne savez-vous pas qu'elle punit des actes qui sont de simples accidents ? Elle ne connaît rien de la vérité des cœurs. Les criminels authentiques vont bien rarement en cour d'assises. » Nous avions repris notre marche lente, et je l'entendis murmurer « Ce garçon sera aimé d'un amour humble et reconnaissant. Je ne crains rien pour elle qui a su comprendre. » Il y eut enfin ce jour de la rencontre avec le fou. Ce matin-là, nous avions suivi en auto la vallée de Chevreuse et nous nous étions arrêtés dans une auberge, au bord de la route. On nous réserva la chambre à manger rustique dont la porte vitrée ouvrait sur la salle à boire. C'est alors que cet homme est entré, surveillé de près par trois infirmiers. Duncan a tressailli légèrement, pourtant il ne les voyait pas, étant assis, le dos tourné à la porte vitrée. L'homme portait un vêtement de futaine. Ses pupilles dilatées, son regard fixe et brillant m'avertirent aussitôt, et je reconnus l'allure des infirmiers en civil qui suivaient chacun de ses gestes. Lorsque la porte s'entrebâillait pour le service, j'entendais quelques bribes de leur conversation. Ils parlaient d'une panne d'auto qui le retenait dans ce village, tandis que le chauffeur était à la recherche de je ne sais quoi. Brusquement, pendant qu'il mangeait, l'homme s'est levé. Il marcha droit devant lui jusqu'à la porte vitrée, l'ouvrit, s'arrêta devant notre table. Ses gardiens, déjà debout, s'approchaient à pas feutrés, mais je leur fis signe de reprendre leur place, car je voyais Duncan s'éveiller de ses interminables songeries. Il contempla cet intrus qui le dévisageait, le regard demeurait perdu l'un dans l'autre. Ils avaient l'air de confronter une chose mystérieuse qui leur appartenait à tous deux, et je crus d'abord qu'ils avaient dû se rencontrer autrefois. Le silence durait. Enfin, le paysan dit à voix basse « Vous aussi ?» Et il ajouta « Mais vous, vous en savez davantage. » Il eut un soupir qui semblait chercher au fond de lui-même et exhaler des rancunes longuement amassées. « Et vous, l'on ne vous persécute point, ou pas encore, parce que vous êtes un monsieur peut-être, ou parce que… » Il se tut, obéissant au regard de Duncan. Alors Duncan le fit asseoir à côté de lui, et ils commencèrent d'échanger, sur un ton de confidence, comme s'ils s'étaient toujours connus, des phrases qui me paraissaient vides de sens. « Moi, voyez-vous, disait l'homme, je n'ai jamais eu personne pour me guider, pour m'instruire de ces choses. » « Cela vous est venu depuis un tel nombre d'années, dit tendrement Lord Clarence. « Depuis ma jeunesse. Quelle solitude, murmura Duncan. « Ah oui, on est seul, fit l'autre, comme un écho. » Il y eut une longue pause, et l'homme reprit avec l'accent de délivrance de celui qui rejette un poids de dessus son cœur. « Vous seul, vous pouvez comprendre, puisque vous aussi. » De nouveau, le regard de Duncan l'arrêta net. « Mon père était mage, et l'on venait de très loin, jusqu'à son village, pour le consulter. Il comptait m'apprendre ses recettes, mais… on a trop d'ennuis avec les médecins, n'est-ce pas ? Je préférais être taupier, m'en aller seul par les prés et les bois, déjouer les ruses de ces bêtes qui sont moins mauvaises que les hommes. On gagne bien sa vie à ce métier. Les peaux se vendent toujours plus cher, et quand une fois on connaît les trajets souterrains, on n'a plus qu'à cueillir les taupes au passage. Alors, pendant que je m'en allais ainsi tout seul, des journées entières, cela m'est venu. Les yeux de Duncan ne le quittaient pas, on eût dit qu'ils attiraient la lente confession. Cela vient peu à peu, des images troubles qu'on ne s'explique pas. Elles deviennent plus nettes, et l'on s'étonne de voir toujours les mêmes images apparaître autour des mêmes personnes. D'abord, on ne comprend pas, on ne peut pas comprendre. Et puis, les choses qui arrivent les unes après les autres vous renseignent, D'abord, on se dit « c'est par hasard ». Et puis, après deux fois, trois fois, on sent bien que ce n'est pas le hasard. « Ah, le hasard !» répéta Duncan. « Le hasard, il n'y a pas de hasard. » Et bientôt, on ne sait plus. On ne sait plus si ces images qu'on a devant soi et que personne ne voit ne sont pas plus véritables que les objets qu'on touche et les gens qui vous parlent. Et la chose affreuse m'est apparue si nette, si terrible, que je ne savais plus si c'était elle la réalité et la face d'André, la vision. Ces paroles de Duncan ont tressailli dans ma mémoire et j'ai regardé ces deux visionnaires avec un brusque frisson. « Le monde surgit de l'invisible et le seul véritable, » disait Duncan, comme à lui-même. « Tout le reste n'est qu'apparence et se défait à chaque instant. » Il semblait avoir oublié ma présence. Penché sur son interlocuteur, il guettait ses paroles avec une sorte d'avidité. « Ainsi tenez, » continuait le fou, « je vois auprès de certaines gens un trou noir. Leur figure pâlit et se brouille, et peu à peu elle disparaît. Oui, je les vois disparaître, même quand ils sont là, devant moi. Au commencement, je ne savais pas ce que cela signifiait. Et puis, quand j'ai vu que cela mourait dans l'année, j'ai compris. » Il regarda Duncan avec un pauvre sourire. Et j'essayais de les prévenir, n'est-ce pas, pour les sauver. Je disais, « Prenez garde, un danger vous menace. » Quelques-uns me riaient au nez. J'ai dit à l'instituteur qui devait partir en voyage, « À votre place, je ne partirai pas. » Il a haussé les épaules. Pourtant, il m'a écouté, celui-là. Il est resté. À quoi bon ? Il est mort, 3 jours plus tard, dans son lit, qui avait pris feu, on ne sait comment. « Oui, » murmura Duncan. Et il détourna une seconde, son visage livide. « Oui, on croit éloigner le malheur, comme si l'on pouvait empêcher quelque chose. Il rentre par une autre porte, plus proche et plus terrible. » Alors, les gens ont commencé d'avoir peur, poursuivit l'homme, à voix basse. Ils m'ont traité de sorcier. Oui, même le maire, à qui j'ai prédit l'incendie de sa grange et recommandé de faire réparer la pompe. J'ai su qu'il valait mieux partir, aller dans un autre village, le plus loin possible. J'avais des économies, j'ai pris une ferme, je me suis mariée, j'ai voulu recommencer ma vie en me promettant de me taire. Mais est-ce qu'on peut se taire tout à fait lorsqu'on sait ? Il s'absorba dans sa pensée, la tête inclinée sur son gilet de futaine. Tandis qu'il baissait ainsi les yeux, j'examinais ses traits, et je leur découvris une sorte de beauté douloureuse que le hâle, la meurtrissure des paupières, les plis de la bouche et des joues maigres ne laissaient pas deviner tout d'abord. « Vous qui savez, monsieur, » reprit-il, penché vers Lord Clarence, « vous comprenez, n'est-ce pas ? Les sentiments des autres, on les ressent tout à coup, comme s'ils se communiquaient à vous, comme s'ils poussaient en vous. On sait tout ce que les autres pensent, ils ne peuvent plus rien cacher. Alors, comment voulez-vous que l'amour puisse durer ? Duncan eut un mouvement involontaire. Nous écoutions en silence cette plainte étrange qui, je ne sais pourquoi, me bouleversait. Ma femme, elle m'aimait, et je l'aimais. J'oubliais toutes mes peines pensées et quelquefois je n'osais la regarder, tant je craignais de voir auprès d'elle, vous savez, le trou noir. J'avais comme les autres un foyer, un sourire qui m'attendait, le bonheur. Seulement, je savais tout ce qu'elle avait dans la tête et comment quelquefois ses paroles étaient différentes de ses pensées. Oh, sans méchanceté, monsieur, même en aimant bien, on a des petits mensonges, de petites ruses, de mauvaises excuses, des choses qu'on préfère cacher. Et quand elle a vu que je devinais ses manèges, que je devançais ses paroles, que je lisais en elle comme dans un livre, elle aussi, elle a commencé d'avoir peur. Et comme elle avait peur, elle s'est détachée de moi. Il s'interrompit. Je sais que c'est inutile de vous raconter, à vous, mais cela me fait tant de bien. Le sourire fraternel posé sur lui l'encourageait. Il raccorda les fils de sa confidence. Le jour où elle a commencé de regarder notre valet, je lui ai dit « Prends garde ». Peut-être ne savait-elle pas ce qu'elle faisait. Peut-être ne se doutait-elle pas encore que son cœur était pris. Mais à quoi bon avertir ? Elle l'aimait. Je lui dévoilais ses plus honteuses pensées et ce baiser dans l'étable le jour où j'étais à la vigne. C'est alors qu'elle est allée trouver le médecin régional et qu'elle lui a dit que j'étais fou et que je la persécutais. Il est venu me voir, et je savais ce qu'il voulait. Il a amené un grand docteur de la ville en disant « C'est un ami que je rencontrais ». Ils avaient décidé de m'envoyer dans un de leurs asiles. J'ai essayé de me sauver, mais ma femme m'avait suivi de loin. Les gens du pays ont cerné le bois, et quand les infirmiers sont arrivés, j'étais garrottée dans une grange. Pourtant, monsieur, je n'ai jamais fait de mal à personne. » Il avait élevé sa voix indignée. Ses gardiens se rapprochèrent. Le plus âgé entr'ouvrit la porte, s'interposa. Il ne faudrait pas l'exciter, messieurs, il pourrait prendre une crise. Le prisonnier se tourna vers eux et je vis sa face se figer. Je reconnus ce regard qui interrogeait le vide. « Toi, cria-t-il tout à coup à l'un de ses hommes en lui parlant dans la figure, tu n'en as plus pour longtemps à tourmenter les honnêtes gens. Je vois le trou noir à tes pieds. Tu vas bientôt mourir. » L'infirmier fit un bond en arrière comme pour éviter le trou noir. Il se ressaisit aussitôt. « Vous voyez bien qu'il déraisonne, constata-t-il. » Alors, Duncan dit avec douceur, « Laissez-le, ne le contrariez pas. D'ailleurs, mon ami est médecin. » Ils se sont retirés, sans cesser de surveiller leur victime à travers la porte vitrée. « Vous, monsieur, implora le malheureux, vous me ferez rendre ma liberté, n'est-ce pas ? On vous écoutera, vous. » « J'essaierai, murmura Duncan, je vous le promets. D'ailleurs, à quoi bon vous tourmenter ? Puisque vous savez que tout est réglé d'avance. Les hommes ne pourront pas vous ôter ce que vous avez reçu. » Un soupir douloureux l'interrompit. « Pour mon malheur, pour notre malheur, parce que nous ne savons pas nous en servir, » corrigea Duncan à voix basse. « Il faudrait être sage et détaché de soi, et plus attentif à l'ordre de Dieu. Il n'y a pas longtemps que je commence à le comprendre. » « Moi, je suis un ignorant, » constata le fou. « Mais vous, monsieur, vous avez beaucoup travaillé dans des sortes de livres, et de grands savants vous ont instruit de ces choses. » « Oui, » répondit Duncan, « mais ils sont morts depuis des centaines et des centaines d'années. » Il reprit, après un silence, « Et cela, c'était des saints. J'ai cru d'abord, moi aussi, qu'on pouvait rester un homme comme les autres. » Au cœur rempli de désirs, il ne faut pas. » Le paysan s'était redressé. Il tournait vers Duncan un visage soumis qui s'illuminait. De nouveau, les gardiens s'approchèrent. « Pardonnez à vos infirmiers, » dit Lord Clarence à mi-voix. « Ils ne font qu'accomplir les ordres reçus. Ne cherchez pas à vous venger en les jetant dans l'épouvante. Vous serez libérés bientôt et votre vie deviendra très belle. » « L'auto est prête. Allons, il faut partir, » commanda l'un des gardiens. « Adieu, mon ami, mon cher ami, » dit Lord Clarence en serrant les mains calleuses. « Soyez sûr que vous n'êtes jamais abandonné. Courage !» Et je vis cet homme rasséréné se pencher sur la poitrine de Duncan comme s'il eût voulu l'étreindre. « Oh, je vous reverrai, monsieur. »« Peut-être, » murmura Duncan qui souriait. Il le regarda s'éloigner, se remettre docilement aux mains des infirmiers qui l'emmenèrent. Alors, je fis face à Clarence. Je ne savais plus que penser. « Chut !» fit-il doucement. Et nous sommes rentrés à Paris sans une parole. Évidemment, Duncan s'imagine qu'il lit dans l'avenir. Et cette phobie provoque des troubles. Ce désespoir épouvanté, il a causé la mort d'André. Cette humeur taciturne, ces paroles bizarres, qui ressemble à des prédictions. Veiller sur lui, l'observer, le ramener peu à peu au bon sens. Tel est le rôle où je dois me tenir. Et cependant, à de certains moments, je le sens me dépasser de si haut, comme si toute la raison, toute la certitude était de son côté. Quelle sorte de folie est-ce là qui le rend plus intelligent que les autres hommes ? À quelque temps de là, Duncan m'annonça qu'il désirait visiter les montagnes de la Suisse. « Je ne peux plus supporter la ville, » dit-il. « Paris m'épuise. » J'ai vivement approuvé ce repos. Il a envoyé la petite fille et sa gouvernante à Jersey. Il est parti. Ma mère et Philippe vivent avec moi depuis l'automne dernier. J'ai mis Philippe au lycée. La vie de famille m'est douce après tant de solitude. Je voudrais me remettre à mon grand travail. Je ne puis. le dynamisme des neurones a cessé de m'intéresser. Pourquoi ?